sans les MC pleurer. Ils jurent sur leur carrière, car ils disent je l'aurais. J'étais persuadé que jamais ne reviendrait. Et que mon père reviendrait. Viens là, je vais t'apprendre les bonnes manières. 9-4 et le drapeau, je prends la bonne bannière. Le king revient pour kill le game. Et ce n'est ni 15 ce game. Ha. Cette année on rappe salement, tellement malement, qui croit qu'on rappe en allemand. Mais c'est haïtien qui l'a, vini goûter flou. Ma fine bah où ça m'a mis l'instinct de killer. Fuck Will, sur une méchante prod de Will. Kerry James c'est kilomètre, alors les mecs ont dit style. C'est grave, je rappe trop gravement. C'est fou mec, c'est le retour des braves. Tout le monde est bon en l'air pour le king. Numéro 1 dans les clubs et les terres. Pour ce son dans la caisse. Oh my lady, oh my turn. Tout le monde est bon en l'air pour le king. Numéro 1 dans les clubs et les terres. Pour ce son dans la caisse. Oh my lady, oh my turn. Rangez vos gamos et vos bijoux. C'est pour les mecs honnêtes, modestes comme Zizou. C'est un pour l'Afrique, même si le rap vient des States. Qu'ils gardent leur frime et leur fric. Moi je ne veux que la peace. Les rappeurs veulent racailler. Voyons, on peut pas être un voyou et le brailler. Ils rappent toujours la même chose. Ça me fait pailler. T'as terminé? Ça y est? Je les ai laissés respirer. Maintenant qu'ils me craignent, la trêve a expiré. Rendez-moi mon trône, hein. Gardez vos jeux de rôle, hein. Orly, 9-4, de ma tour, je contrôle. Kerry James dans les clubs, dans les caisses des thugs, et même dans les pubs. Depuis que j'rappe sur des grosses prods, mon rap fait des veuves. Tu veux être le king? Fais mieux que ça, fais tes preuves. Tout le monde est bon en l'air pour le king. Numéro 1 dans les clubs et les terres. Pour ce son dans la caisse. Oh my lady, oh my turn. Tout le monde est bon en l'air pour le king. Numéro 1 dans les clubs et les terres. Pour ce son dans la caisse. Oh my lady, oh my turn. Pour le DJ joue le son dans le club. Tout le monde est poulet. Poulet. Dans le DJ joue le son dans le club. Tout le monde est poulet. Poulet. Tout le monde. Fallait bien que je revienne et remettre tous les ghettos. On retient à jamais que c'est bien Kerry James qui déchire et détient le hardcore. Si je rappe à la paume, crazy paume, diggy dick paume. C'est que j'ai grandi en écoutant du plan à balancer par des natural paume. Killer, j'en ai une pour les fauves man. Oh man, pour une fois, laisse-moi sacrifier le fond à la forme man. J'ai le flow man, j'ai le show man. J'éclate le score man, c'est le retour du king. C'est Ali face à Foreman. Mon album arrive, MC retard t'es le vôtre. Le mien c'est un classique, au service des nôtres. Clio en Cayenne, en Twingo, en ML. Les mecs écoutent foulet. Jusqu'à ce qu'ils l'auraient. Jusqu'à ce qu'ils l'auraient. Jusqu'à ce qu'ils l'auraient. Oh là là là, DJ Poulet.